En Corée du Sud, les parlementaires issus du Parti démocrate d'Obulon, parti de l'opposition, ont accordé le 6 courant une conférence de presse devant la Maison Bleue pour exiger de Bakuni de se laver les mains des affaires d'État, apprend-on des informations. On y a donné lecture d'une déclaration au nom de 47 personnes. Le lendemain, les parlementaires issus du Parti du Peuple ont lancé à l'Assemblée nationale une déclaration demandant la démission de Bakuni. Les 4 et 5 courants, un parlementaire issu du parti gouvernemental, a inséré dans le site d'internet un écrit avertissant Bakuni et le représentant du parti au pouvoir, du même sort que Simani du temps du 19 avril, en cas de leur obstination continue. Le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple, en date du 7, donne un éditorial titré « Bakuni n'a qu'un choix de démission » et le 6, le journal Une Nation, a fait part des mécontentements forts des jeunes Sud-Coréens au sujet des scandales de Bakuni et de Choi Soon-sil.